Voici l'histoire d'un ours épris, d'une jeune et jolie demoiselle. L'histoire semblerait naturelle, sauf qu'elle est humaine et pas lui, et pas lui. Lui qu'on dit toujours mal léché, aurait gaiement donné 10 ruches pour finir dans ses bras perchés comme un petit ours en peluche, en peluche. Mais le problème est de taille, passe l'espèce encore. Quand elle le voit, la belle se taille et hurle à réveiller les morts, hein, les morts. L'ours le sait, l'amour fait peur, mais il pensait pas à ce point. Il ne voit donc pas son erreur et se cache dans un recoin, dans un recoin. La belle sursaute à nouveau, crie et jette sur le museau une branche de merisier, jure un jour de le tuer, de le tuer. L'ours est furieux, là c'en est trop, lui qui avait tout essayé. Chanson d'amour, animaux morts, déposé là sur l'oreiller, sur l'oreiller. Il s'en va d'un pas décidé, lui dire ce qu'il a sur le cœur, lui dire qu'il l'aime et qu'il s'en va dans une montagne d'ailleurs, oh d'ailleurs. Mais le problème est de taille, passe l'espèce encore. T'as déjà vu un ours qui parle, celui-là grogne super fort, super fort. L'ours se réveille embrumé, comme lors d'un lendemain de fête. Il recherche sa bien-aimée, mais soudain se sent un peu bête, un peu bête. Un chapeau de femme et du sang, partout par terre étalé. Il sait qui lui a mangé la peau, l'ours, avant de l'avoir tué, l'avoir tué. Il l'a voulu proche du cœur, il l'a voulu proche du cœur, il l'a voulu proche du cœur, voilà qu'il l'a dans l'estomac. Il l'a voulu proche du cœur, il l'a voulu proche du cœur, il l'a voulu proche du cœur, voilà qu'il l'a dans l'estomac. La morale de ce récit, si t'es un ours des Pyrénées, craque pas pour une dame d'ici, ou tu finiras ballonné, ou tu finiras ballonné, ou tu finiras ballonné, ou tu finiras ballonné, ou tu finiras ballonné, ou tu finiras ballonné, ou tu finiras ballonné, ou tu finiras ballonné, c'est mieux que de finir baïonné.